Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. À toi. Oh. C'est parti pour un micro ouvert à Montgodine. Vous connaissez Montgodine ? Ici, vous êtes plutôt à Godine. Hein. Mont, c'est sur les dessus. Godine, c'est le village du bas. Les deux villages ont été fusionnés, une fusion avant la lettre, pendant quelques années, au début du XXe siècle, je crois. À l'époque, on disait Montgodine. Maintenant, on dit Mont, on dit Godine. Ce sont deux villages de l'entité d'Ivoire. Mais au bout du bout, ils n'en forment qu'un, quoi. Il y a des liens entre Mont et Godine, et dans le cadre de l'amicale dont je vais vous parler, certainement. Mais chaque village, chacune des entités a sa vie propre, ses associations, avec des échanges, des collaborations, beaucoup d'amitié entre les habitants, mais aussi des particularités. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau politique, c'est à y voir que ça se passe, mais c'est Montgodine, quoi. On ne sépare pas les deux au niveau politique, quoi. Ben, au niveau politique, c'est l'entité d'Ivoire, avec 9 villages qui la composent, hein, dont les villages de Mont et de Godine. Mais c'est vrai que dans le langage courant, on parle encore de Montgodine, surtout quand on parle de la clinique de Montgodine. Quoi, vous êtes né ici, vous, monsieur ? Non, je ne suis pas né ici. J'habite ici depuis 25 ans. Je suis Namurois d'origine, né à Namur. Et je me sens encore un peu Namurois, mais je me suis très vite intégré ici, dans le village de Godine, et par le biais des associations, et notamment par le biais de l'amicale belgo-ukrainienne dont je vais vous parler. Parlez-nous, expliquez-nous qu'est-ce l'amicale. Voilà, d'abord peut-être vous dire que je m'appelle Gérald Van de Waal. J'habite donc ici à Carrefour de l'Europe à Godine et je suis membre de cette amicale depuis, je pense, une vingtaine d'années. Moi, j'ai appris à connaître l'amicale dans le courant des années 90. Et donc, il s'agit d'une amicale qui entretient une relation privilégiée avec un chœur de bandouristes ukrainiens. Alors, qu'est-ce que sont des bandouristes ? Ce sont des musiciens, ici en l'occurrence des musiciennes, c'est un chœur féminin, qui chante et s'accompagne de l'instrument traditionnel ukrainien qu'on appelle la bandoura. Alors, pour vous décrire... Essayez de vous décrire la bandoura. C'est un instrument qui ressemble à une lyre, à une sitar, à une espèce de poire. C'est un peu un mélange de tout ça, qui comporte près de 80 cordes, je crois. Donc, il demande quand même pas mal de technique pour en jouer. Et les filles du chœur de Zvina parviennent à tirer des sons merveilleux et à accompagner des chants d'une qualité assez remarquable. Et c'est au cours d'un festival que des amis belges d'Erzo, d'abord, commune aux confins du Hainaut, ont rencontré ce chœur. Et de fil en aiguille, ce réseau d'amitié s'est étendu jusque dans la commune d'Ivoire, via des gens du village de Mont, et ça s'est étendu, Godine, et puis toute la commune d'Ivoire, et au-delà de la Meuse, en Haye. C'est pour ça que notre amicale s'appelle l'amicale belgo-ukrainienne d'Ivoire en Haye. Ok, donc si je comprends bien, il y a eu un contact là-bas avec l'Ukraine pour, entre guillemets, ramener le cœur ici. C'est comme ça ? Ce qui s'est passé, pour autant que je sache, parce que je ne participais pas encore aux activités de l'amicale à cette époque-là, ce que je sais, c'est que, donc je vous ai dit, des amis d'Erzo assistaient à un festival folklorique, de chant, de danse folklorique, et ont établi un peu par hasard des contacts avec des choristes de Zvina. Je pense que ce festival avait lieu quelque part dans le nord de la France, je ne sais plus très bien où. Et puis l'idée de faire venir le chœur en Belgique est née sans doute dans l'esprit de quelques quelques amis là à Erzo, et je sais que des personnes de Mont étaient en rapport aussi avec ces personnes d'Erzo, et c'est comme ça que, voilà, de fil en aiguille, les contacts se sont établis. Et donc, depuis plus de 20 ans, nous recevons chaque année, en alternance avec Erzo, nous recevons ce chœur, et nous en organisons la tournée dans la région. Et ce qui est intéressant, ce qui est remarquable, c'est que donc l'assistance au concert est gratuite, et nous organisons une collecte, nous demandons une participation volontaire aux spectateurs, si ça leur a plu, ils mettent ce qu'ils veulent. Et en général, je pense que la qualité des concerts est telle que les spectateurs sont rapidement enchantés, et ils se sont montrés jusqu'à présent assez généreux. Et donc, l'argent ainsi récolté sert bien sûr à payer les frais du voyage, hein, puisqu'il faut quand même payer un quart. Je dis tout de suite que l'hébergement, j'y reviendrai, est fait chez l'habitant. Donc c'est un aspect intéressant. Mais donc, pour en revenir à l'aspect financier, les bénéfices servent à aider, je ne vais pas dire financer, ce serait peut-être prétentieux de ma part, mais à aider au fonctionnement de deux orphelinats situés dans la région de Galicie, donc cette province, cette oblast d'Ukraine, dont Lviv est la capitale. Et il faut savoir que dans les années 90, l'Ukraine venait d'accéder à l'indépendance, et la situation n'y était pas très brillante, elle ne l'est pas encore terriblement pour le moment, mais enfin les choses sont en train d'évoluer, on espère qu'elles continueront à évoluer favorablement. Mais il est clair que les orphelinats que nous avons commencé à aider étaient dans une situation sanitaire et assez lamentable. Et on sentait que la priorité à ce moment-là des autorités ukrainiennes n'allait certainement pas vers les orphelins, vers les nécessiteux, qui avaient d'autres priorités. Et donc nous avons été amenés à financer, par exemple, des installations sanitaires, des douches, à faire remplacer les châssis, à faire remplacer les lits, des choses comme ça. À présent, la situation de ces orphelinats s'est nettement améliorée sur le plan matériel, mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire sur le plan, je vais dire, accompagnement, sur le plan de l'éducation, sur le plan des loisirs. Donc notre aide maintenant va plutôt vers le financement de projets, parfois de vacances pour ces enfants. Donc moins l'aspect confort matériel, mais plutôt l'aspect épanouissement personnel de ces enfants. Mais comment est-ce qu'on en arrive à, pour comprendre bien, donc il y a un chœur qui vient chanter d'Ukraine, et comment est-ce qu'on en arrive? Parce que vous parlez souvent de on, donc j'imagine que c'est un groupe de gens. C'est qui ces gens? Et qui décide à un moment donné de financer là-bas des choses qui se passent dans le pays. Comment on en arrive à ça? Alors, bien honnêtement, vraiment, vous dire l'historique de ces contacts, je n'appartenais pas encore à l'Amicale à ce moment-là, mais c'est venu évidemment par les filles du chœur Dvina, qui, elles, avaient connaissance de la situation assez désastreuse de ces deux orphelinats qui portent des noms que j'ai du mal à prononcer. Joftanzi, je crois, et l'autre. Passons. Plusieurs responsables du chœur connaissaient très bien la situation de ces chœurs, et je suppose que rapidement, au cours des conversations, des échanges, la question du financement, de l'utilisation des bénéfices des produits des concerts s'est posée, et je pense que la demande ou la proposition, selon ce qu'on considère, est venue de nos correspondants ukrainiens. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas au courant du détail, Si vous interrogez peut-être d'autres personnes qui sont là depuis le début, je pense que Madame Sonia Grandjean-Baldini, qui est la présidente actuelle de l'Amicale, pourrait vous en dire plus. Du coup, vous êtes beaucoup dans votre assos, on dirait ça comme ça? Bah, nous avons choisi d'appeler ça une amicale parce que le maître mot pour nous, c'est l'amitié. L'amitié avec nos correspondants, nos amis ukrainiens et l'amitié entre nous. Je trouve que ce qui est formidable là-dedans, c'est que ce genre d'association crée des liens non seulement avec l'étranger, mais entre les gens de l'entité d'Ivoire, même d'Angers, puisque nous avons des gens d'Angers qui participent activement. Alors combien sommes-nous? Bah, vous savez, comme dans toute association, je veux dire, il y a le noyau dur. Et puis, il y a une foule de gens qui, à l'occasion de nos activités, donnent un coup de main, se proposent pour héberger les choristes lorsqu'elles viennent chez nous. Les compter, c'est difficile, mais je pense que ça peut tourner peut-être autour d'une petite centaine de personnes. Ah oui, une association qui fait 100 personnes, c'est pas mal ça. Entendons-nous, hein, je vous ai dit, il y a le noyau dur qui fait peut-être 10-12 personnes, plus les collaborateurs occasionnels. Ce ne sont pas des gens, on n'a pas de carte de membre, hein, pour être membre chez nous, c'est pas, on y vient, on s'intéresse à nos activités, on participe à un souper, on donne un coup de main. Voilà, c'est comme ça qu'il faut considérer, enfin, c'est comme ça que moi je considère le nombre de personnes membres ou sympathisants, disons, de l'association, hein. Ce ne sont pas des gens qui assistent nécessairement à une assemblée générale. C'est assez informel quand même comme mode de fonctionnement, bien que nous soyons constitués en ASBL, mais nous avons un mode de fonctionnement assez informel, hein. Et quand vous êtes déjà allé en Ukraine? Alors personnellement, mon épouse et moi, nous sommes allés en Ukraine cette année, au mois d'avril. Donc, c'était eh bien un moment assez difficile, et je dois dire que la question s'est posée pour nous, pour les participants. Allons-nous aller en Ukraine alors que nous venions d'apprendre, par exemple, les événements tragiques sur la place Maïdan à Kiev, et nous avions appris le décès du fiancé d'une des jeunes choristes, d'une des choristes que nous connaissons, une choriste qui est venue plusieurs fois ici à Godine. Et donc tout ça était très dur à vivre pour nos amis ukrainiens, mais pour nous aussi. Et d'abord, nous avons voulu manifester notre solidarité, nos sentiments en faisant publier une annonce nécrologique de la vie de décès de notre ami Bogdan Solchanik. Ça nous a valu une belle page, un bel article dans Vers l'avenir à ce moment-là. Mais la question se posait pour nous, est-ce que d'abord est-il prudent d'y aller alors que ça commençait à bouger dans l'est de l'Ukraine? Et deuxièmement, dans quel état d'esprit sont nos amis ukrainiens? Sont-ils abattus? Sont-ils, voilà, puisque nous allions là faire irruption dans leur vie, un peu comme des touristes. Et je dois dire que la décision a été prise de maintenir le voyage, tout en laissant évidemment à chaque inscrit la liberté de partir ou de ne pas partir. Donc, il y a eu un certain nombre de désistements que nous pouvons comprendre, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on ne savait pas comment les choses pouvaient évoluer, dans quel sens. Et on voit qu'actuellement, donc au mois de juin 2014, la situation est pleine d'incertitudes. Et peut-être l'Ukraine est-elle au bord d'une guerre civile. Enfin, donc voilà. Mais personnellement, mon épouse et moi, et d'autres participants, nous formions un groupe de 12 personnes. Nous sommes partis, nous sommes arrivés à Kiev, où nous attendaient déjà des amis qui nous ont guidés, qui nous ont fait visiter la place Maïdan, là où se sont déroulés les tragiques événements du mois d'avril, du mois de mars, je crois. Et je dois dire que ce fut une visite très impressionnante, avec beaucoup d'émotion, puisque tout était encore en place, les barricades, les tentes, les affiches et puis des monceaux de couronnes de fleurs, de bougies posées aux endroits où des manifestants avaient été abattus par des snipers. Ce fut vraiment une visite très, très lourde de sens, d'émotion, et nous avons pu parler avec des jeunes qui avaient participé à ces événements et dont le message était ben voilà, certains essayent de nous faire passer pour des fascistes, des bandéristes, comme on dit là-bas, des partisans de Bandera qui avaient été un dirigeant collaborateur des nazis pendant la guerre. On essaie de nous faire passer pour ça, mais nous ne sommes rien d'autre que des démocrates. Ce que nous voulons, ce que nous demandons, c'est un rapprochement avec l'Ouest. Évidemment, c'est un peu l'Ouest, c'est un peu un mythe pour eux, hein, mais certainement pas une volonté d'instaurer un régime autoritaire, fasciste, bien loin de là, même si on sait que malheureusement, il y a quand même certaines tendances d'extrême droite présentes dans le mouvement nationaliste ukrainien. Mais les gens que nous avons côtoyés sont bien loin d'être des fascistes. Ce sont des gens qui aspirent à la démocratie, à la liberté, à pouvoir voyager et à améliorer leurs conditions socio-économiques. Et vous avez eu l'occasion de voir les orphelinats, ou pas du tout? C'est sorti un peu de l'idée, de la tête? Non, non, nous en avons visité un des deux, parce que dans une semaine de séjour là-bas, notre programme était un peu court, notre emploi du temps était très serré. Nous avons visité deux orphelinats, un orphelinat que nous connaissions bien. Nous avons pu constater avec plaisir, voir l'évolution de la situation, voir que les enfants étaient hébergés dans de bonnes conditions. Et nous avons aussi visité un foyer d'accueil pour mères célibataires, mères abandonnées et qui doivent se débrouiller seules pour élever leurs enfants. Alors évidemment, ça fonctionne encore un peu là-bas selon un schéma qui peut nous sembler un peu archaïque, un peu paternaliste. Ce home était géré par des sœurs, des religieuses, selon des principes qui pour nous peuvent paraître un peu désuets, mais en tout cas, on a senti que ces femmes, ces enfants évoluaient dans un cadre où elles étaient protégées. Peut-être un peu trop, vais-je dire, parce que nous avons eu le sentiment que les pensionnaires, les femmes, là, n'étaient pas préparées à reprendre pied dans une vie normale, vais-je dire. Et donc, nous nous sommes demandé s'il fallait pas revoir un petit peu le schéma, mais voilà, nous n'avons rien à dire là-dedans. Mais donc, je pense que nous devons encore avoir une discussion sur la manière dont nous pourrions aider cette institution. Et c'est juste comme ça, hein, parce que voilà, on est parti dans la discussion, mais c'est intéressant pour ça de rencontrer les gens, vous en l'occurrence. Hein, on parle de l'amicale, de l'Ukraine, du projet, on y reviendra. Mais c'est quoi une vie normale pour vous? Ah, mon Dieu Ah bah oui, c'est quoi une vie normale pour ces femmes Je veux dire une vie où elles se prennent en charge, une vie où elles peuvent espérer peut-être fonder un foyer, trouver du travail et ne pas rester dépendantes de la structure qui les accueille, qui les héberge. Voilà, quant à dire ce qu'est une vie normale, c'est la vie que chacun veut mener. Hein. Je n'ai pas des critères de normalité dont il ne faut pas s'écarter. Mais je pense que l'autonomie est essentielle pour vivre ce qu'on peut dire une vie normale. Quoi. Et alors maintenant, je précise bien que c'est très bien ce que vous faites. Hein. Merci. Vraiment. Mais la question, je veux dire, essayez de bien l'entendre, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste une question que je me pose moi. Partir en Ukraine, financer un orphelinat pour faire en sorte que ben, ça se passe bien là-bas, etc., ben, c'est génial. Et ici, par exemple. Pourquoi l'Ukraine? Ben, là, on pourrait dire parce que les chœurs, compagnie. Non, mais en parallèle, vous ne posez pas cette question de dire tiens, mais au fond, ici, j'habite en Belgique. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à. Qu'est-ce que vous avez partagé là-dessus? Oui, d'accord. Ben, figurez-vous que cette question, je me la suis posée aussi. Je pense que c'est pour des raisons historiques que je vous ai expliquées. Le hasard des choses, ça s'est produit comme ça. Moi, je n'étais pas spécialement tourné vers l'Ukraine avant de connaître le cœur. Mon épouse et moi, nous avons d'abord été séduits par le projet d'accueil, recevoir chez soi des jeunes choristes, des jeunes filles charmantes et pleines de spontanéité et qui chantent bien. Tout ça nous a enchantés. Et puis, quand nous nous sommes posé la question de savoir, oui, mais pourquoi, qu'y a-t-il d'autre, bah, ma foi, bah oui, aider un orphelinat en Ukraine, bah, l'idée, c'est pas nous qui avons eu cette idée, mais nous y avons adhéré, parce que voilà, ça nous semblait bien. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que nous avons choisi cela au détriment d'autres institutions. On sait très bien qu'il y a aussi des gens qui méritent d'être aidés, qui ont des besoins ici en Belgique. Enfin, nous pouvons le faire d'une autre manière. Hein. Ça n'exclut pas pour nous d'autres attentions, d'autres centres d'intérêt. Je peux vous dire que nous faisons aussi partie, nous collaborons aussi à une ASBL qui aide un centre, un dispensaire au Congo. On a peut-être un autre sujet pour votre micro-trottoir. Donc, voyez-vous, nous n'avons pas d'exclusive. Hein. Ce n'est pas l'Ukraine au détriment de... Non, voilà, c'est un projet comme ça. Ça s'est présenté et pour nous, c'était naturel d'y adhérer, de le soutenir. Ça fait un peu comme bonnes œuvres ou... J'essaye de comprendre, mais en même temps, oui, j'imagine que c'est le hasard de la vie complètement. Il n'y a même pas à raconter quoi que ce soit. C'est le hasard qui fait que... Oui, le hasard. Mais alors, je vous entends dire bonnes œuvres. Quand on fait partie d'une association de bonnes œuvres, la relation va dans un sens. Ce sont les dames patronesses qui viennent en aide aux petits pauvres et tout ça. Je dirais que ce qui nous séduit dans ce projet d'amicale belgo-ukrainienne, c'est que l'apport, l'enrichissement, il est mutuel, il est réciproque. Si nous apportons de l'argent, d'abord il faut savoir que cet argent, nous créons les conditions favorables pour qu'il soit récolté, mais c'est quand même le produit... Des concerts, ce sont nos amis ukrainiennes qui chantent et qui par leurs chansons, leur art, il faudra en parler aussi, mais séduisent un public qui, à un moment donné, se disent ben oui, nous allons verser, nous allons mettre de l'argent et on annonce chaque fois que le bénéfice sera consacré à cet objectif social. Donc, c'est de l'engagement, c'est du bénévolat. Et nous, ici, pour notre part, mais nous en retirons quelque chose aussi. Ce n'est pas financier, évidemment, mais ce sont des liens qui, très forts, qui se nouent au niveau de l'amitié, des échanges. Hein. Nous avons quand même pu nous rendre compte là-bas que, globalement, le niveau de vie tend à s'améliorer en Ukraine. Mais nous savons que même, par exemple, parmi les choristes, certaines vivent encore dans des conditions difficiles. Et par exemple, le fait qu'elles puissent venir ici en Belgique, c'est aussi une vacance que nous leur offrons, l'occasion de découvrir notre pays, où nous organisons des visites culturelles, de détente, etc. Mais les avoir avec nous... on en apprend beaucoup, je veux dire, c'est vraiment une relation d'amitié avec échange réciproque. Les Ukrainiens nous apportent leur art et je vous assure que Ce n'est pas un vain mot, ce que je vous dis. C'est vraiment une chorale, un chœur de très très haut niveau qui a gagné des prix dans des concours internationaux. Les entendre chanter, c'est un ravissement pour le cœur, l'esprit, ça je vous assure. Quand le chœur vient en Belgique, quand il repart en Ukraine, c'est pour nous. Ils nous ont apporté quelque chose. Nous ne sommes pas perdants. Voilà, c'est une relation win-win, comme on dit. Je vous assure, c'est pas voilà. Je vous crois. Mais tiens, pour encore faire un petit parallèle comme ça avec le vivre ensemble, hein, c'est quand vous avez appris pour les Européennes que pas mal de gens avaient voté pour la droite, l'extrême droite, en parlant comme ça des frontières ouvertes, puisque l'Ukraine vient en Belgique, que la Belgique va en Ukraine. On pourrait imaginer d'autres pays comme ça. Ça vous fait quoi ? Ça fait quoi comme résonance en vous ? Alors là, on sort un petit peu du sujet. On va commencer à parler politique. Mais pour moi, tout est politique. Hein. Tout ce que sous le même là, ce que vous venez de dire juste avant, c'est super joli. Quoi. Moi, ça me fait penser à ben voilà, les portes sont ouvertes. C'est une richesse. On s'enrichit de la différence de la culture de l'autre. Et donc, ça me fait écho, moi, de me dire tiens, c'est joli comme pensée. Mais tout à fait. Je pense que c'est cette idée-là qui anime l'amicale belgo-ukrainienne. Maintenant, dans nos statuts, il est indiqué aussi que nous ne poursuivons pas de but politique. Donc, nous nous abstenons d'intervenir sur des débats politiques. Je sais que la question, pour le moment, de l'indépendance autoproclamée ou de certaines provinces ukrainiennes. Voilà, nous n'allons pas intervenir sur ces débats-là. Nous sommes évidemment attentifs à la situation. Nous écoutons ce que disent nos amis ukrainiens là-dessus. Et certains sont engagés dans ce combat politique. Il y en a un qui a perdu la vie là-dedans en défendant cette cause. Vous parlez de l'ouverture des frontières européennes. Oui, j'ai mon idée personnelle là-dessus. L'amicale n'en a pas en tant que telle. Donc, si je vous parle de ça, c'est à titre purement personnel. Il est clair que pour moi, l'ouverture des frontières, l'extension de l'Europe, il faut y penser, mais dans un cadre, disons, réfléchi, je pense qu'il faut que ce soit équilibré, que le pays qui adhère soit aussi susceptible de nous apporter quelque chose, qu'il y ait cet échange réciproque. En tout cas, moi, je pense que quand l'Ukraine aura, je l'espère, bientôt résolu ses problèmes et que la paix y reviendra, l'entente, j'espère. Je pense que, en tout cas, avec les gens avec qui nous sommes en phase là-bas, c'est ce qu'ils souhaitent, se rapprocher de l'Union européenne. Et oui, nous pouvons partager cet objectif avec eux. Je pense que la pensée, les sentiments qui animent les membres de l'amicale sont tout sauf des sentiments de rejet à l'égard des pays autres. Bien sûr, sont les bienvenus ceux qui veulent bien partager avec nous les valeurs de démocratie, de tolérance, de libre circulation. C'est, bien sûr, ce n'est pas vraiment l'option du repli sur soi et de la xénophobie, et encore moins du racisme. Pour en revenir très précisément à l'amicale, je sais que vous faites une marche annuelle que je trouve assez sympathique. Ça vaudrait la peine d'un peu approfondir le projet, d'expliquer un peu donc, comment ça se passe. Ouais. La marche, vous savez, c'est une marche adepte. Hein. Je pense que beaucoup de gens qui écoutent. Là, pour le moment, ça connaissent le principe des marches ADEPS. C'est le moyen pour nous de récolter de l'argent pour financer nos activités. Nous organisons aussi un souper flamiche chaque année. Autrefois, nous avions un de nos membres qui était féru de tir aux clés et qui organisait une compétition de tir aux clés. Et puis, bon, voilà, nous sommes passés à autre chose. Maintenant, c'est une marche ADEPS et qui attire, ma foi, je n'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, ça nous fait un peu connaître, c'est sympa, ça mobilise des bonnes volontés pour... ben, je veux dire, c'est pas l'objet essentiel de notre amicale, c'est un moyen pour nous de faire rentrer des sous, parce que je dois quand même vous dire que je parlais tout à l'heure des contributions volontaires que les gens mettent à l'issue du concert, chaque concert. Je dois vous dire que la dernière tournée s'est malheureusement soldée par une perte financière. Donc les rentrées n'ont pas permis de couvrir l'entièreté des frais du voyage, d'où la nécessité d'avoir des activités annexes pour permettre d'équilibrer le budget et de retrouver quand même un bénéfice à consacrer à notre objectif social là-bas en Ukraine. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit utile de s'étendre trop sur la marche. Oui, c'est une activité qui a lieu chaque année dans le courant du mois d'avril. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que même les gens qui nous écoutent dans les villes, parce qu'ici, on est à Mongodine, c'est un petit village, il y a de plus en plus de gens qui marchent, voilà, qui ont besoin de marcher, de quitter la ville, de prendre un bol d'air. Et donc, ce sera intéressant juste comme ça de savoir que il y a une marche, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, il y a une marche qu'on peut faire... et qui est une marche solidaire, un peu comme ça, non ? Oui, tout à fait. C'est dans ce sens-là que nous ferons la publicité de notre prochaine marche, probablement au mois de mars ou d'avril 2015. Mais si vous consultez le programme de l'ADEPS, le site, des marches comme ça, il y en a tous les week-ends. Pas toujours avec des objectifs, je vais dire, un objectif solidaire affirmé. Et nous en parlions à notre dernière réunion, et c'est vrai que nous nous sommes dit que nous devrions peut-être plus attirer l'attention des marcheurs sur l'objectif sous-jacent de cette manifestation. Vous avez raison, on devrait peut-être mieux le faire savoir. Moi, je trouve que c'est un bel objectif, quoi, parce qu'en même temps, vous prenez un bol d'air individuellement, collectivement, personnellement, on va dire. Et puis en même temps, vous êtes solidaire par rapport à un projet, quoi. C'est une super idée. Vous imaginez, s'il y a beaucoup de gens qui viennent faire cette marche, ben voilà, il y a peut-être plus besoin de faire d'autres activités pour avoir des finances, parce qu'il y aurait une marche qui rassemblerait pas mal de gens sur l'année, quoi. Plutôt que de faire plein d'activités en essayant de trouver, voilà, ça c'est plutôt mon idée, mais c'est comme ça, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais notre activité est et restera d'organiser des concerts. Ça, c'est notre core business. Le reste, la marche, le souper est devenu traditionnel. C'est une activité à laquelle nous tenons beaucoup aussi parce qu'elle rassemble pas mal d'habitants ici de l'entité et qui viennent parce qu'ils connaissent nos objectifs. La marche ADEPS, je vais dire, c'est une opportunité qui s'est présentée comme ça et qui fonctionne bien. Mais je peux vous dire que ceux qui participent à la préparation de cette marche, qui sont au bar, qui préparent les sandwichs, la soupe et tout ça, eux ne prennent pas l'air. Je veux dire, c'est l'accueil, l'organisation de ce genre de manifestation demande du temps et beaucoup d'investissement. Et voilà, là, je veux dire que si des gens peuvent venir nous aider la prochaine fois, ils seront les bienvenus. Et pour faire un parallèle, qu'est-ce que vous pensez ? Accrochez-vous bien, parce que, mais avec quoi elle vient, elle ? Qu'est-ce que vous pensez de la différence entre une ville et un village ? C'est quoi la différence pour vous ? Je vous laisse un petit peu de temps, parce que avec quoi elle vient, hein ? Ce serait quoi ? Je suis né à Namur, je vous l'ai dit. Je ne sais pas, oui, je vous l'ai dit, oui. J'ai vécu en ville jusqu'à l'âge de 30, 31, 32 ans. Mais Namur, c'est vraiment une petite ville, hein, petite. Hein. Oui, bon, vous considérez que c'est une petite ville, oui, d'accord, oui. Et ce n'est pas que moi, c'est, quand vous regardez d'autres villes, Namur est vraiment une petite ville, quoi. Vous faites le tour en... très vite, enfin, c'est différent qu'une ville comme Bruxelles, qu'une ville comme Liège, qu'une ville comme Charleroi, vous voyez, enfin, peut-être vous ne voyez pas, mais vous travaillez à Bruxelles, donc vous devez voir quand même que quand vous circulez en voiture, c'est vachement plus compliqué. Bah, écoutez, oui, je travaille à Bruxelles et j'ai fait mes études à Liège, donc je sais aussi ce qu'est une grande ville. Namur n'a peut-être pas la superficie ni de Bruxelles, ni de Liège, ni le nombre d'habitants, mais c'est une ville très riche aussi. Mais oui, mais moi, je dis... Enfin, voilà. Comprenez-moi, je c'est pas parce que je dis petit que Namur n'est pas riche. Vous voyez, il faut bien faire attention. Moi, je me défends parce que sinon, on irait me faire dire des trucs que je n'ai pas dit. Donc, moi, la question, c'était vraiment... Quelle est la différence pour vous, puisque vous habitez Mongodine, un petit village, je dis petit village, par rapport à une ville, à une grande ville? Bah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais regretté de venir habiter un petit village. Je quittais une petite ville, puisque pour vous dire habiter un petit village, je n'ai jamais regretté. Je me rends tous les jours à Bruxelles. Et ma foi, je suis content de quitter Bruxelles, de revenir ici, dans un endroit peut-être plus calme. Pas toujours, il se passe aussi des choses à Godine, et pas toujours agréable. Nous avons aussi nos événements parfois difficiles, je pense au déraillement du train, là, ou à d'autres événements... qui ont fait l'actualité, des faits divers un peu tragiques, mais bon, voilà. Ce qui me plaît ici, c'est le contact. Mais vous savez, que vous habitiez une grande ville comme Bruxelles, qui est peut-être à côté de grande mégalopole, n'est qu'une petite ville aussi, hein. Mais que vous habitiez, disons, une ville grande, petite, moyenne, ou un village... si vous avez la volonté de vous y intégrer, de rencontrer des gens, de vous faire des amis, vous y parviendrez. Moi, je n'aime pas trop la foule, le trafic, la densité, le bruit. Donc, moi, j'aime bien Godine. Voilà, chacun fait son choix de vie là où il le veut, il le souhaite. Mais ça, de toute façon, évidemment, mais moi, ce que je souligne ici à Mongodine, c'est la nature qui est quand même formidable. Elle est magnifique, cette nature. Bon, la grande différence pour moi, mais comme ça on discute, entre une ville et un village, ben, c'est sûr, une ville, il y a plus d'habitants qu'un village, on va dire, mais il y a aussi une nature qui n'existe pas, ou alors un petit coup dans des endroits... restreint, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça, ça vous fait penser à quoi, cette nature? Est-ce qu'elle est présente dans votre tête ou bien elle fait partie du paysage et vous vous en rendez plus compte? Non, j'ai conscience d'habiter dans un village assez arboré, fort arboré. Ça me fait plaisir de retrouver tout ça, la verdure, le soir, quand je rentre de Bruxelles. Ça, c'est très clair. Hein. La Meuse, moi, je suis un amoureux et perdu de la vallée de la Meuse. Pour moi, c'est une région douce et pleine d'histoire. Hein. Ça, il est clair que le dimanche, mon épouse et moi, nous aimons enfourcher notre vélo et nous balader dans les villages. Et en même temps, ici, voyez-vous, à Godine, nous sommes situés entre Namur et Dinan. Nous sommes bien desservis par les trains, même s'ils sont parfois un peu en retard. Nous ne sommes jamais loin de la ville, donc nous pouvons bénéficier à la fois des avantages de, de la campagne. Bon, bien que je ne considère pas vraiment Gaudine comme étant la campagne, c'est plutôt un village dortoir, que c'est plus un village agricole, il l'a été, mais il ne l'est plus. Donc je vais dire, enfin, on peut y bénéficier de ce cadre verdoyant, tout en étant rapidement à Namur, à Dinan, et même à Bruxelles, puisque la ligne est bien desservie vers Bruxelles. Et la vie de nafteur, ça va? C'est pas trop difficile. Nous ne sommes plus dans le cadre de l'amicale belgo-ukrainienne ici. Ah ben c'est sûr, mais bon, voilà. Si vous voulez, on arrête, hein, y a pas d'obligation à parler, mais je fais une petite rencontre en même temps avec vous, un peu comme ça. Oui. Bon, ben la vie de nafteur, voilà. Voilà bien 30 ans que je l'amène. J'ai vu les conditions du transport se dégrader depuis 1980, donc il y a plus de 30 ans. Malheureusement, et ça c'est toute une question qui touche à l'organisation des transports en commun, à la priorité qu'on leur accorde dans l'organisation, ça se dégrade. Ça se dégrade. Moi, je pensais que ça avait été en s'améliorant, justement. Enfin, comme ça, naïvement, sans me poser trop de questions, j'ai l'impression que... Non ? Il y a une augmentation du nombre d'usagers des trains, ça c'est très positif, mais je pense que l'organisation, le matériel ne suit pas. Je pense qu'on a beaucoup investi sur ce qui était rentable, les trains grande vitesse ou les gares de prestige, mais une ligne ici comme Namur-Dinan et tout le sud de la Wallonie, le Luxembourg, sont, moi je le pense, réellement laissés un peu à l'abandon. Les rames de train, je crois, sont moins bien entretenues. Et vous savez, on a de belles voitures à étage d'un grand confort et tout ça, mais l'électronique peut-être, je ne sais pas, se tombe en panne. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vis dans ma vie quotidienne, c'est de nombreux retards. Le matin, le soir, en revenant, peut-être une, deux fois par semaine. C'est agaçant, surtout quand l'information n'est pas donnée, vous ne savez pas quand vous allez avoir un train, quand vous serez chez vous le soir, alors ou inversement, vous prenez le train le matin, vous avez une réunion, et puis vous vous demandez, arriverai-je à temps? C'est stressant à vivre, c'est stressant, c'est fatigant, mais je reste quand même... un partisan, un adepte des transports en commun, parce que je pense que le rapport qualité-prix, vais-je dire, reste quand même pour moi en faveur des transports en commun. Maintenant, remarquez que j'ai la chance d'habiter ici à proximité d'une gare, et le lieu de mon travail à Bruxelles n'est pas éloigné d'une gare. Donc voilà, je peux faire ce trajet facilement en train. Je reconnais que d'autres personnes qui habitent dans la périphérie de Bruxelles n'ont peut-être pas cette facilité que j'ai. Bah oui, sûrement, ça existe, évidemment. Mais quand vous parlez de voiture avec l'électronique, qu'est-ce que vous voulez dire là? Parce que là, je ne vois pas du tout... Oh, écoutez, j'ai lâché ça comme ça. Vous me prenez un peu au dépourvu. Je pense que l'électronique, c'est bien, mais ça tombe plus facilement en panne que les vieux procédés mécaniques. Voilà. Ok, c'est ça que vous voulez dire, quoi. Voilà, oui, voilà. Je préfère, voilà. Ben, on va stopper un peu ce micro ouvert. Maintenant, je vous laisse avec ce que vous auriez à dire, qu'on n'a pas dit sur l'amicale et que vous profitez du micro pour dire. Ah ben oui, écoutez, c'était de cela dont nous avions convenu de parler. J'aurais bien aimé que vous puissiez, par exemple, faire écouter un morceau, un air du chœur de Zvina. Je ferai ça. D'accord, c'est et que vos auditeurs puissent écouter, partager le charme de cette musique. Donc, Zvina a un répertoire qui est la musique traditionnelle ukrainienne, la musique folklorique, mais aussi musique classique, musique contemporaine également. Donc, le répertoire est assez étendu et c'est un instrument tout à fait particulier, cette bandoura, qu'on ne trouve qu'en Ukraine. C'était l'instrument des Cosaques au départ, qui a été adapté, modernisé. Si vous tapez le mot bandoura sur un moteur de recherche, vous trouverez beaucoup de sites qui sont consacrés à cet instrument, à son histoire. Je vous invite à les consulter. Je vous invite aussi à consulter le site de Zvinha, c'est difficile à épeler. Bah écoutez, on ira voir, hein. Oui. Oui, là vous m'avez pris au dépourvu. Mais en tout cas, j'ai envie de souligner, ben voilà, belle initiative. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé uniquement non plus de l'amicale, parce qu'à un moment donné, voilà, on a fait un peu le tour. C'était aussi réfléchir ensemble, tiens, qu'est-ce qui pousse des gens à se mettre ensemble pour aider un orphelinat en Ukraine. Donc, moi, je trouve que c'est une belle initiative de nos jours, d'ouverture et de démocratie, quoi. En tout cas, oui, je pense que les gens qui se retrouvent dans ce genre d'association, il y en a d'autres qui poursuivent d'autres objectifs d'entraide, de solidarité. Je vous ai parlé d'une ASBL qui aide un dispensaire du Congo et qui est aussi composée de gens de Godin, de l'entité. Ce serait aussi intéressant d'en parler. Ben, nous partageons, je pense. Je ne vais pas dire cet idéal, mais si, pourquoi pas, un idéal de fraternité, d'amitié, de solidarité. Et ça, nous ne pourrions pas vivre sans cela. Ça nous aide, ça, je pense que ça rend les choses un peu meilleures dans la vie, dans le monde.